l'Autriche. Langage d'un autre monde. Non, les autruches ne dorment pas, couchées par terre, les pattes en l'air. Cheveux au vent et plumes dans le cul. Roi de l'omelette, nous cherchons à manger, nous cherchons à manger, nous cherchons à manger, nous cherchons à manger. La tribu de l'autruche. Langage d'un autre monde. Non, les autruches ne dorment pas, couchées par terre, les pattes en l'air. Cheveux au vent et plumes dans le cul. Roi de l'omelette, nous cherchons à manger, nous cherchons à manger, nous cherchons à manger. L'autruche. La tribu de l'autruche.